Le tournoi de ping-pong ouvert de Pyongyang de classe de challenge de la Fédération internationale de tennis de table 2017 s'est déroulé du 2 au 6 août au gymnase de tennis de table à la cité de Chongchun à Pyongyang. Le tournoi a été réparti en simples messieurs et dames et en double adulte, en simples messieurs et dames de moins de 21 ans. À la catégorie d'adultes, les Coréens Park Shin-hyuk et Kim Song-hi se sont classés premiers aux simples messieurs et dames, Choi Il et Park Shin-hyuk aux doubles messieurs, Choi Hyun-hwa et Kim Song-hi aux doubles dames. Aux simples messieurs et dames de moins de 21 ans, les joueurs coréens Kim Ok-chan et Lee Hyun-sim se sont classés premiers. Les vainqueurs ont reçu les médailles.